Ça marche pas. Ça marche. Allez, j'y vais. Sur le 1. Tout ce que tu fais là. Je pars à 1. Ok. Bien, raté. Prochain. Peut-être changer le bébé. Je refais. On essaye, puis sinon on passe à autre chose. Thank you. gens, c'est l'enfer. Faut que tout recommence. Mais je me dis, j'ai un peu trop de chance. We'll be right back. Et on t'entendait pas assez fort. Mais toi quand... Thank you. Thank you. Thank you. to see.